quand je rappe, c'est le message. Assagi avec l'âge, je vais éviter aux frères de vivre dans le mensonge. Puisqu'il faut une voix, je servirai de guide. Moi j'ai pas eu cette chance d'avoir un leader. Je m'implique parce que j'ai des petits frères. Et quand je kick, c'est comme si je leur donnais du bonheur sans fric. On l'accepte pas, mais ils nous prennent comme exemple. En Afrique, t'imagines même pas le déclic. Demande à Bissot. Et quand j'y pense, on crée avec le cœur ce qu'on voit et ce qu'on imagine. J'ai pas le bac, juste ma maîtrise de rime. Je dis peut-être mieux, mais je suis vierge dans le crime. Et c'est à ça que je veux qu'on arrive tous. Le ghetto je connais, je te parlerai pas de ça. Y'a d'autres choses dans la vie qu'on connaît pas. Comme vivre libre et voir autre chose que les flics et des barreaux à travers lesquels on cherche la fuite. On est banni de Dieu, mais on doit taper deux fois plus pour s'imposer vieux. Te demande pas pourquoi, y'a des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Les différences existent, faut qu'on voit nos vies comme le monde grande. Faut qu'on rêve, le paradis est immense, tape que ce soit dans la zik ou sur un playground. Faut que nos sueurs deviennent des flaques d'eau, pour pouvoir dire j'ai du fric qui coule des robinets. Même là-haut, ils ont peur de nous, parce qu'ils savent que leur avenir dépend de nous. Et si les jeunes s'unissaient, tu crois que la pression, ils ne l'auraient pas, l'ignorance tue. On a des têtes, des bras et des jambes. Et tous ensemble on forme un corps. Je veux que tu m'écoutes et que tu me comprennes. S'unir sera la solution au problème. Si tu m'emmerdes, je t'envoie chier. Et si c'est un flic, je passe mon frère. Car mon combat est ailleurs. Dans une bavure, on perd toujours, faut que vous le sachiez. Je suis venu pour être, pas pour paraître. Cette image ghettoisée du rap doit disparaître. On est venu franchir les barrières, les laisser sur le cul en cas de malaise. Y'a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Notre histoire commence quand la leur finit. On est partout dans le sport, la pub, même au ciné. On vient à la porte d'une France calcinée. On a brûlé les étapes afin de graver nos noms dans la pièce.